En confinement ou au travail, vous écoutez la radio des bons cons. La radio des bons cons. 5, 4, 3, 2, 1. Chers auditeurs, Radio Bon Con vous demande de patienter. Radio Bon Con vous demande de patienter. Radio Bon Con vous demande de patienter. Radio Bon Con vous demande de patienter. Bonjour à tous, veuillez nous excuser pour le petit problème technique, problème sûrement dû au fait que aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de trois bons cons, Léo, Gianni et Charlet. Nous allons donc célébrer ces trois anniversaires tous ensemble en commençant tout de suite. Bah forcément, on peut pas gérer trois anniversaires, puis en plus, ils ont pas le même âge, c'est sûr, ça bug. On va commencer par des petits mots, les petits mots, ça bug pas. Joyeux anniversaire, Charles et Bernard. Joyeux anniversaire, Charles et Bernard. Joyeux anniversaire, Charles et Bernard. Coucou mon amour, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, te dire que j'étais très très heureuse de passer cet anniversaire, ce 24e anniversaire avec toi. Je sais que tu es un petit peu triste de ne pas être avec tes amis, mais ils ont pensé à toi. Maintenant, à toi de deviner qui t'a laissé ces petits messages. Je t'aime mon amour, joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire pour que t'aies tout bon. Pour l'année entière, beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Charlet. Et c'est incroyable le but de Poyette. Il le célèbre en souhaitant un joyeux anniversaire à son plus grand fan, Charlet Bernard. Bon anniversaire, monsieur Bernard. J'espère que pour vous, le confinement se passe... le mieux que le possible. Pour moi, je suis au sud de la Loire pour une période qui est indéterminée et je l'espère que vous faites le faites convenablement avec votre épouse Fräulein Aurélie. Aurélie, genau, ja. Frau Joss, Joss, genau, Madame Joss. Joyeux anniversaire, mon petit Charlet. Donc, c'est Valentine. J'espère que ton confinement se passe bien. On se rattrapera bien vite pour fêter ça comme il se doit. Et je te fais des gros bisous. Happy birthday to you, Mr. Petit Pit. Happy birthday to you, Mr. Petit Pit. Joyeux anniversaire, mon chachou. Bisous, bisous, ta maman. Joyeux anniversaire, allez. Joyeux anniversaire, allez. Joyeux anniversaire, allez. Joyeux anniversaire. Vous, vous êtes fatigués. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, let's go. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Charles Lamar. Et c'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Charlie, Justin Bieber, Bernard, happy birthday to you. Confiné. Bonjour Charlie, j'ai actuellement le coronavirus, c'est pour cela que j'utilise un synthétiseur de voix. J'ai écrit ce texte après un verre, deux verres, trois bières, deux pastis, trois digestifs, deux bouteilles de vin du coteau d'Anceny. Je vous guettais le dire xfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxf Inséré proverbalement. Ein Wettres Jahr in Inserem Alter ist ein Jahr unige in Inserem Leben, also Feier oder Trauer. Historique de navigation. Acheter clavier pas cher Amazon. Porno Premium. Comment attraper un requin dans Animal Crossing. Joyeux anniversaire Charley. Paillettes, mon Charlet. Salut, téton. Je te souhaite le meilleur des bons joyeux, avec du gros bedede et du tapage de pied en mars. Et puis des petits moulins à eau faits maison, parce que c'est super tendance. Gloire éternelle au co-créateur du Mekumbar. L'aigre bisou. Joyeux anniversaire, monsieur Charlet. Passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Et joyeux anniversaire, Charlet. Hein. Écoute, 24, c'est un très bel âge. 24, c'est 6 x 4, et... Dans 6 x 4, il y a foie. Et t'as un bon foie, tu tiens bien à l'école, j'ai vu. Et que dire, si t'es disjockey, je trouve que c'est un très bon sport. Lancer des disques sur des chevaux, franchement, c'est propre. Encore un bon anniversaire, hein, Charlet. Des gros bisous. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Joyeux anniv, Charlet. Vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom anniversaire vroom vroom joyeux anniversaire vroom vroom joyeux anniversaire vroom vroom joyeux anniversaire vroom vroom. Salut Charlet, je te souhaite un très joyeux anniversaire et je laisse parler mes petits potes confinés avec moi pour te le souhaiter également. Gros bisous. Bonjour Tata Monique. Non, c'est pas Tata Monique, c'est Charlet. Ah oui, bonjour Charlet. Bon bah, bon anniversaire, hein. Ouais, très joyeux anniversaire, Charlet. Gros bisous. Eh hey, les gars, j'ai un poil de slip. Oh putain. Bon anniversaire, Charlet. À bientôt dans la petite zonze. Bisous. Joyeux anniversaire, grande tige. Allez, bisous. Ciao, ciao. Joyeux anniversaire, Charlet. Un spinner. Bon anniversaire, Charlet. Je fais des câlins et des très gros bisous à notre DJ Vroom Vroom préféré. Et on se revoit très vite. Brum, brum. Joyeux anniversaire à mes deux frères, bon con d'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous les deux jumeaux, je vous aime fort, gros bisous. Un joyeux anniv au plus beau des jumeaux de la Terre, Michel, Roger, je vous embrasse. Et puis sinon, des bisous à Loyo et Johnny, pas trop quand même à Johnny, sinon il va se permettre des blagues de mauvais goût, comme lui. Allez, ciao, ciao, bisous les petits culs. Mes très chers grumeaux. Les frères Legland, comme on vous appelle en Allemagne. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter le très bon joyeux. Vous voir grandir, mûrir et devenir les belles fleurs que vous êtes aujourd'hui, fut un des plus beaux spectacles qu'il m'ait été donné de voir. Je n'ai peut-être pas su gagner vos cœurs à l'époque, mais je suis fière aujourd'hui de vous compter parmi mes amis. Loyo, continue de skanker comme une pute sous ta bonne étoile, comme tu sais si bien le faire. Et Gianni, tu es jeune, le monde t'appartient. Alors balance tes plus grosses vannes à qui mieux mieux, on est chaud. Joyeux anniversaire à vous deux et cropissou. Hello mon petit Léo, hello mon Gianoui. On est tout près Léo, tu sais, mais quand même un peu loin, hein. Et puis Gianoui, toi t'es vraiment loin là, mais tout près aussi. On est tous tout près finalement. Aussi loin que je vous aime, aussi près que je vous aime. Cette journée sera vôtre ou ne sera pas. Alors faites-la donc vôtre et vivez pleinement ce jour béni de votre naissance. Moi je vais l'occuper à penser à vous. À vite, au détour d'un rayon de Carrefour Express ou Donnet, Léo peut-être. Ce serait vraiment le pied, mais je voudrais pas trop en demander. Peu importe où, peu importe quand, ce sera parfait, je prends. Des milliers de bisous les petits choux. Joyeux anniversaire mon Loyo. Promis cette année je te rends ton bonnet. Bisous. Salut Loyo, c'est Typhon. Alors d'abord, je te souhaite un très joyeux G-anniversaire. J'espère que tu pourras profiter pleinement de ton dimanche de Pâques de bière. Tu as beaucoup de chance, ton frère n'est pas là pour manger tout ton gâteau. Allez, gros bisous et encore joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Loyo. 27 ans, c'est l'âge parfait pour aller voir Christophe Maé au Zénith de Nantes le 24 octobre à 10h du matin avec moi et Souk. Parce qu'on sait tous que tu connais Belle Demoiselle par cœur. Gros bisous. Belle Demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche donne des ailes. Moi, j'ose pas m'emballer un petit Christophe Maé pour te faire danser. Joyeux anniversaire, Loyo. Coucou, mon Loyo, mon petit caneton. Je te souhaite un très, très joyeux anniversaire. J'espère que tu passes une très douce journée, aussi douce que ta belle chevelure. Je t'aime. Bon anniversaire, Loyo. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que l'année dernière, c'est tombé pile en même temps que celui de Jenny aussi. Genre, je trouve cette putain de coïncidence quand même. Hein. 2 années de suite, c'est bizarre. Joyeux anniversaire, Nono. Allez, faites ça bien. Bisous. Bon anniversaire, mon doux Loyo. Écoute, je te souhaite plein de belles choses pour cette jolie journée en ton honneur. Et j'espère qu'on regardera bientôt un petit épisode de Breaking Bad. Allez, bisous, mon doux. Mon cher petit Loyo, je te fais des gros bisous et un gros câlin pour ton anniversaire. J'espère que ta bonne étoile est toujours avec toi et que le bout de bois sacré guidera tes pas. On se dit à très vite. Les pissous. Et salut Léo, c'est Christophe Maé. J'ai fait une petite pause dans mes lives Instagram, tout ça, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et j'espère que tu seras là le 24 octobre au Zénith de Nantes. Parce que j'ai bien vu que la dernière fois, il y avait tes deux copines là, les deux folles. Mais tu n'étais pas là, donc voilà. Si tu veux, tu me dis, puis moi je te file des tickets. Hein. Voilà, allez, ciao ciao, à plus sur la route. Mon bon Loyo. Mon beau Loyo, Loyo douceur, Loyo amour. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as 27 ans et je me joins à l'univers pour te remercier de ta présence ici durant ces 27 dernières années. Continue de donner des leçons de gentillesse au monde, on en a besoin. Mais n'oublie pas de grogner le matin. Pour être très honnête, ça me fait beaucoup rire. Je t'envoie une pluie de bisous qui s'abattent sur le haut de ton crâne qui glissent le long de ta chevelure et viennent se loger tout près de ton cœur. Joyeux anniversaire, Loyo. At last but not least. Coucou mon Gianni, je te souhaite un très très bon anniversaire et j'espère que cette année supplémentaire que tu prends te permettra d'enrichir ta culture féministe. Je t'aime très très fort. Bisous. Joyeux anniversaire, Gianni. Promis, quand le confinement sera fini, t'auras le droit de me faire un câlin. Joyeux anniversaire, Giovanni. Passe une excellente journée, des énormes bisous. Et comme on dit chez toi, tanti auguri a te. Allô, Gianni. Heute ist dein Anniversaire. So, alles Gute zum Anniversaire. Ich schwöre, du bist nicht der Plumosch von beiden. Mach weiter, Black de merde, es bringt alles zum Lachen. Sauf moi. Bon, je vais la machen courte. Ich habe eine 360 mit dem BMX à faire. Grosser Küsse und wieder alles Gute zum Geburtstag. Bisous! Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, en mangeant tout tranquillement. Un très joyeux anniversaire à toi, mon Gianni. Je vous embrasse, j'ai hâte de vous retrouver pour parler, entre autres, de patriarcat et de féminisme, car j'ai toujours pour ambition de vous expliquer un peu ma version du féminisme. Voilà, j'ai grand hâte de vous voir. Je vous embrasse et encore un très joyeux anniversaire. Alles Gute zum Geburtstag für deine 27 Jahre, Gianni. Salut Gianni, c'est Typhon. Je te souhaite un très joyeux loyoversaire. J'espère que tu t'amuses bien au pays des currywurst et des kartoffel salat et que tu trouveras vite une chaussure à ton pied ou une Isabelle à Gianni. Allez, gros bisous et encore joyeux anniversaire. Alles Gute zur Geburtstag, Gianni. Bon anniversaire Gianni, bisous. Night Manager, Night Manager. Salut, c'est Amel. Et Dung. Et on a réservé le Bergame pour 14h30. Avec en spécial guest, Zaza et Daniel, pour un peu plus de rough sex. Oh waouh, bisous Night Manager. Bonjour Monsieur Gianni, je te souhaite un bon anniversaire, mais pas trop bon quand même, parce que t'es quand même un putain de connard de macho. Amour sur vous. Joyeux anniversaire Cathy. Allez, à très vite, bisous. Et coucouille. Un bel anniversaire à toi, mon Yanouz. Je te souhaite une année des 27 pleine de projets à craquer. Je te souhaite des vaguettes à n'en savoir que faire et des fous rires sous les étoiles. Je te souhaite aussi des yeux qui pétillent et du bonheur au moins aussi fort que celui que tu sèmes de partout où tu passes. Et en attendant de pouvoir trinquer avec toi, je bois ma meilleure bière en ton nom ce soir. Oui, vas-y, tu peux prendre ma part de gâteau, je te la donne. Bisous. Mon Yanni, mon Gianni, mon Giannus, je te souhaite le meilleur de tous les anniversaires. Tu me manques énormément et j'ai hâte de revoir ta petite bouille de berlinois. Vite que l'on se voit, vite que l'on trinque à ta santé et qu'on puisse bien se marrer. Et puis n'oublie pas de bien fêter ton anniversaire. Je te fais des gros bisous. Baguettes. Ceci est un message pour Gianni Legrand, dit Giannouille ou Waguette, ou bien encore Brett. Je te souhaite un très bon anniversaire et j'espère qu'on pourra faire la fête pour que tu puisses être trop saoul pour que j'aie à te porter sur mon dos car ça me manque mine de rien. Les bisous. Tous, on te souhaite tous, tous, Toute l'équipe de Radio Boncon vous souhaite un joyeux anniversaire, Charlet, Léo et Gianni. Gros bisous. Je déconne, vous êtes sur Radio Boncon quand même. 12 avril 93. La civilisation se précipite doucement vers sa perte, saccageant et abusant de la Terre, cette planète qui leur fut offerte en refuge. Dans ce contexte compliqué, le destin va prendre part en mettant au monde deux êtres surpuissants, dotés d'un charme jusqu'alors seulement imaginé par quelques pucelles esselées. Le 12 avril, à quelques minutes d'écart, les demi-dieux Léo le Grand et Gianni le Grand furent heureux de voir pour la première fois la lumière du jour. Ou devrais-je dire, la lumière du jour fut heureuse de voir ces deux êtres pour la première fois. Le destin les fit frères pour qu'ils se soutiennent et s'épaulent dans leur tendre jeunesse. Mais l'âge de l'insouciance les quitta brutalement lorsqu'un jour, une succube apparut auprès de Gianni, lui sifflant des mots qui à jamais changeraient son destin. Ça fait quoi d'être le plus moche des deux ? Le cœur brisé, Gianni s'effondra au plus profond des puits de l'ego. Quand tout semblait perdu, il se releva, son destin était scellé. Il combattrait son frère pour le titre ultime du plus beau des deux. Le destin les avait fait frères, mais la rudeur féminine en avait fait des rivaux. Ne souhaitant pas cacher à son frère jumeau, Loyo, son entreprise, Gianni lui fit face et lui dit... Un jour je serai le plus beau des deux, je combattrai sans répit. Les pecs saillants et l'air flambeur, je vaincrai les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec mon charme les étrangères et leurs mystères. La beauté est mon pouvoir, étrangère, attrapez-les tous, c'est mon histoire. Des centaines pour la victoire, étrangère. Rien ne m'arrêtera, mon sexapile triomphera. Étrangère, attrapez tout. Qu'importe leur âge, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Étrangère, attrapez-les toutes, attrapez-les toutes. Yeah. Rien ni personne sur mon chemin ne pourra me briser. Car pour accomplir mon destin, je suis déterminé. Quand il faudra passer à l'action, ma beauté gagnera. Et tous les deux nous nous affronterons dans le dernier des combats. Ce jour-là commença la quête pour laquelle ils étaient nés. Ils étaient les conquérants du titre du plus beau des deux. Ou, comme ils disent en anglais, Conquerors of the Most Handsome One Traitor. Loyo fixa son entraînement sur deux buts. Le premier, acquérir le charme de celui qui, de par son intelligence et sa réflexion profonde, émeut l'audience et surtout les femmes. Le second, sera de s'évertuer à faire de sa toison une œuvre plus belle et soyeuse que les plus fameuses tapisseries d'Égypte. Gianni, comme il l'avait annoncé, entreprit de voyager pour apprendre l'art et de la beauté de la langue auprès des femmes du monde entier. Son succès auprès de celles-ci ne fit que renforcer son ego, sa soif de victoire et sa misogynie. Assurément, sa rencontre avec la succube avait laissé sa marque dans son appréciation des femmes. Les deux champions avançaient fièrement vers le jour où ils se disputeraient le titre de King Boss Handsome One, roi des plus beaux des deux. Et ce jour-là arriva enfin, un 12 avril. Les deux prétendants au titre se retrouvèrent, nez à nez, dans une bourgade avoisinante de leur village d'enfance. Les deux frères ne s'étaient pas vus depuis des années. Ils se saluèrent, tous deux impressionnés de la beauté fulgurante que leur parenté rivale avait acquérie. La tension était déjà palpable. Des centaines de bourgeons, de roses, sortirent du sol, chacune renfermant en son cœur une femme à séduire. Les règles sont simples. La joute peut commencer. The fight could now begin. En aîné, Loyo s'avança d'un pas et toisa son frère du regard. Soudain, il arracha sa chemise et dénoua ses cheveux. Toute l'étendue de sa toison de rêve fut révélée. Déjà les roses par dizaines s'ouvraient. C'est moi le roi du concours pour le charme. C'est la première fois, avec autant de poils. J'ai fait dans la famille le grand une entrée triomphale en montrant avant toi mon grand, mon esthétique bestiale. Toi, Johnny, t'es sorti après mes couilles. Je suis né et resterai roi. T'as encore un long chemin à faire, mon frère, tu peux me croire. Au moins, on ne me dit pas. D'ailleurs, quand je dis ce que tu m'achetais, toi, ce que j'essaie de dire, c'est j'ai plus de charme que toi. Il faut que tu comprennes que c'est toi qui toi. Laisse-moi finir. Je suis acclamé où que j'aille. Ce con a une tête de cul. Car des deux, c'est moi qui plais. Je suis né et resterai roi. Regardez bien mes fesses. Ah, pitié, au secours. Regardez bien mon sexe. Non. Ma beauté sans conteste et sans frontières. C'est une main qui monte jusqu'au ciel. Les agneaux dépendent de la couvelle. Loyo est bien le nouveau roi soleil. Je suis né. Des centaines de roses s'étaient ouvertes et les femmes entouraient Loyo. Mais Gianni n'avait pas dit son dernier mot et s'adressa à son frère ainsi. D'abord, le pouvoir de séduction. Vole plus bas que mon derrière, mon cochon. Et bête comme tu es, fais attention. Avec tous ces poils, t'as l'air d'un fion. Puis il s'adressa aux femmes. Je vois dans vos yeux de la passion. Ma beauté surpasse vos prières. Nous parlons de roi de succession. Vous êtes toutes impliquées dans l'affaire. Soyez prêtes pour la chance de votre vie. Car enfin est venu le grand jour. Loyo roi c'est fini, laissez place à Jan. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? M'écoutez et vous taire. Faites-moi confiance, votre récompense, c'est que vous pourrez me faire la cour. Quand la gloire couronnera ma tête, êtes-vous prêtes? Nous sommes prêtes. L'envie au roi. Quelle joie d'être maintenant les maîtresses. Notre Janine adorée. Bien sûr, en revanche, j'ose espérer que vous satisferez mon membre. J'assure un futur plein de captures, puisque je suis le roi des chasseurs. Par centaines des femmes à mes chaussures qui meurent d'envie de goûter ma bite. Êtes-vous prête pour le coup le plus génial? Êtes-vous prête pour le plus beau des mâles? Je suis fabuleux, je suis majestueux, je suis généreux. Trois mots qui me feront un roi. Contester, respecter, bien monter, le seul dieu vivant qu'on acclame. Moi, Gianni, je suis le plus beau des êtres. Êtes-vous prête? Gianni est le plus sexy des êtres. Nous sommes prêtes. La foule est en liesse. La victoire de Jenny semblait écrasante, mais seulement la moitié des roses s'était ouverte. Le combat n'était pas fini, et Loyo s'élança vers son second tour, quand soudain... Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre tout mon charme jusqu'à la Voie lactée. Aurélie. Charlet. La team Charlet, le plus beau mec de l'univers. Regardez tous ce type, à tout pour plaire. Oui, je sais. Miaou, et son chibre est super. Mais vous êtes qui, vous? Je suis Charlet Bernard, et je viens gagner ce concours du plus beau des deux. Alors déjà, si tu te rajoutes, ça fait 3. Et de quel droit t'auras le droit de participer, d'abord? Les poulets élevés aux hormones de croissance sont disqualifiés de facto. Chez qui en italien veut dire abruti? D'après la légende, l'homme le plus beau de l'univers naîtra un 12 avril en Loire-Atlantique et il est évident, en le voyant, que c'est Charlet. Non mais what? En effet, il était inscrit dans la légende la date précise de l'anniversaire. Seulement, ni l'année de naissance, ni le nombre de participants n'étaient précisés. Enfin bref, passons car... À ce moment, Aurélie et Charlet firent un pas vers les roses fermées et commencèrent. J'aime pas quand t'as l'air malheureux. Charlet est complètement raplapla. Tout le monde voudrait être dans ta peau. Charlet, même quand c'est pas la grande joie de tout le village, c'est toi le chouchou, c'est toi le préféré de la bande. Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre. Ah bon? C'est Charlet. C'est Charlet. Et personne n'a un coup de taureau. Comme Charlet. Un caïd qui a des chiens et des manières. Et du chiquet de la prestance. Demandez à Tommy Dick ou Norbert. Ils vous diront tout de suite sincèrement ce qu'ils en pensent. Le plus chouette, c'est Charlet. La vedette, c'est Charlet. Et personne n'aime comme lui. Il possède au menton. Comme d'un folon du plomb dans la tête. Ah, quel champion ce... Non, Charlet, c'est Charlet. Charlet, 7 sur 7. Le plus fort, c'est Charlet. Le plus fort, c'est Charlet. Il est sur un ring, personne mort comme Gaston. Charlet. Il est grand, il est beau, il vient de bâtir. Ça, c'est pas du biceps en papier. Il est pas rabougri ni riquiqui. C'est vrai. Et mon torse velu fait ma célébrité. Charlet. C'est Charlet. Au concours de crash, à personne crache. Comme Gaston. Je suis vraiment très doué en expectoration. C'est bon, mon Gaston. Charlet. Quand j'étais petit, je gobais 4 douzaines d'œufs pour être fort, pour me sentir à l'aise. Maintenant que je suis grand, j'en avale 49. C'est pour ça que je suis le roi des balais. Regarde-moi ce galbe. Vise comme Charlet, personne vise comme Charlet. Et personne n'a les bottes ni les chemises de Gaston. Charlet. Collectionne les Pokémon. C'est toi le champion, Charlet. Attiré par l'odeur envoûtante du majestueux héros et la dévotion communicatrice de sa complice, toutes les roses encore fermées s'ouvrèrent pour acclamer Charlet. Le combat pour le titre de King Most Handsome One, le plus beau des trois, venait de se conclure. Charlet profita des acclamations et s'en alla, en laissant toutes les femmes à ses adversaires vaincus. Qu'il est magnanime. Et c'est ainsi que se conclut la légende des trois bons combos gosses. Joyeux anniversaire. Charlet, Charlet, attends-moi. En confinement ou au travail, vous écoutez la radio des bons cons. La radio des bons cons.